Garfield. Les titulaires avec Johan Bredov sur Studek Web. Et bonjour à tous, c'est le retour des titulaires, évidemment, toujours avec Johan Guillet qui est en pleine forme. Ça va Johan ? Ça va très bien, ça va et toi ? Et tu vas nous parler un petit peu de Saint-Etienne ? Un petit peu. Un tout petit peu. Antoine, comment tu vas Antoine Ballet ? Bien, on attend que la saison se termine, gentiment. Et tu as vu un match, il me semble, récemment ? Un match moyen, mais une très belle ambiance au Stade Charletti. Au Stade Charletti, c'était le Paris FC contre Lens. On va en parler tout à l'heure. On va parler avant ça du départ de Rudy Garcia de Marseille. Il était attendu, parce que les supporters l'attendaient depuis très longtemps. Il y a aussi le départ de Gourvennec, le départ de Gasset et l'arrivée de Silvinho à Lyon. Au trophée UNFP, Mbappé. Qui a sorti une petite phrase un petit peu polémique. On va en reparler évidemment. On va reparler du coup du match que tu as vu Antoine, le PFC contre Lens. La liste de Didier Deschamps, la liste des 24, c'est étonnant, et quelques surprises. Et on parlera de Grisou justement. Où ira Antoine Griezmann, les titulaires ? C'est parti. Les titulaires avec Johan Bredov sur Studek Web. Et je le disais, on va ouvrir avec Rudy Garcia qui part de Marseille. Il était arrivé en 2016, 59 victoires, 26 nuls, 35 défaites et une finale de Ligue Europa. Qu'est-ce qu'on va retenir de Rudy Garcia à Marseille, Antoine ? Malheureusement, j'ai envie de dire pas grand-chose. Enfin, beaucoup de négatifs, en fait. C'est-à-dire que finalement, quand on regarde dans quel état il a pris l'OM, avec beaucoup de doutes, il a pris la suite de Mitchell où ça s'était pas très très bien terminé. Et il réussit une première saison qui est plutôt intéressante. Sauf que ce qu'on retiendra, c'est pas ça. Ce qu'on retiendra, c'est toutes les galères. Ce qu'on retiendra, c'est toutes les polémiques avec les arbitres. Ce qu'on retiendra, c'est le fond de jeu inexistant, le recrutement complètement catastrophique de l'OM dans sa communication et dans la manière dont il a été effectué. Mais c'est de sa faute, ça, ce recrutement loupé. Le problème, c'est que Garcia n'est pas le fautif de tout, mais que tout finit quand même par lui retomber dessus. Et c'est ça qu'on va retenir. Johan Garcia, t'en penses quoi, toi ? Je pense que le problème cette saison, c'est surtout reposé sur sa communication. Garcia s'est un petit peu déconstruit son personnage lui-même, en parlant notamment beaucoup d'erreurs d'arbitrage, parfois même quand l'OM perdait assez lourdement et assez logiquement. Il se réfugiait toujours derrière ce petit « oui, mais ça a changé le cours du match »,« oui, mais il aurait pu avoir ça en notre faveur ». Et en fait, il s'est totalement décrédibilisé aux yeux d'abord des supporters marseillais, puis également du monde du football de manière générale. On ne connaissait pas Garcia sous cette forme-là. Et c'était assez compliqué parce qu'on avait la sensation qu'il se cachait. Et forcément, ça n'attire pas la sympathie des supporters ni de qui que ce soit. Et surtout à Marseille en plus. Surtout à Marseille. Donc à partir de là, Garcia a payé totalement sa communication. Et oui, ça fait qu'à la fin, tout lui retombe un petit peu dessus. Il n'est pas le seul fautif à Marseille. Mais on a une énorme tendance à penser, en tout cas l'opinion populaire a une énorme tendance à penser qu'il est le principal responsable. Est-ce qu'il est pas un peu surcoté, Garcia ? C'est difficile à dire en fait, parce que à Rome il a fait de très belles choses, à Lille on n'en parle même pas, mais après Marseille c'est un contexte qui est très particulier et il y a beaucoup de pression populaire, beaucoup de pression des supporters, beaucoup d'attentes. Lille il a pu travailler tranquille, Rome il arrivait justement auréolé de ce qu'il avait fait avec le LOSC et donc avec un énorme crédit. À Marseille il arrivait déjà dans une période compliquée pour le club, un peu dans le scepticisme, et on va dire que son premier match, ça n'a pas forcément aidé, parce que le premier match qu'il fait avec Marseille, c'est contre Paris, on a zéro tir tenté, même pas zéro tir cadré. Et du coup, on a commencé déjà par une erreur de dire, ok, le mec il veut juste blinder, le reste c'est tout. Ça n'a pas aidé pour son départ. Et puis, est-ce qu'il est surcoté ? Il fait tout de même une finale de Ligue Europa avec l'OM. Voilà, après, est-ce que c'est un enchaînement de circonstances ? Est-ce que c'est un entraîneur de coupe ? On peut pas dire ça, parce qu'il a gagné un championnat quand même avec Lille. Lille qui jouait très bien en plus, après ce qu'il avait les... En fait, c'est toujours une question, on peut jamais vraiment dire toute la faute est pour l'entraîneur ou toute la faute est pour les joueurs. Il faut que tout tourne bien. Après, c'est la responsabilité de l'entraîneur que tout tourne bien, mais des fois, tu as des facteurs qui font que c'est pas possible. Après, surcoté, on peut dire oui. Surcoté n'est pas forcément synonyme de c'est un mauvais entraîneur qu'on croit bon. C'est un bon entraîneur qu'on croit parfois peut-être encore un peu meilleur. Ce qui parle pour Garcia, ce sont ses 10 victoires consécutives avec l'AS Roma. Quand il est arrivé, Rome commence avec 10 victoires d'affilée. Ce n'était jamais arrivé dans l'histoire du club. Ouais. Mais on se souvient également que le peu de clubs qui avaient réussi à faire cet exploit avaient fini champion, ce qui n'a pas été le cas de l'AS Roma, qui a enchaîné pas mal de matchs nuls pendant pas mal de temps. Et puis Garcia a connu deux saisons derrière assez compliquées avec Rome, ce qui s'est un petit peu passé également avec Marseille, une dernière saison beaucoup plus compliquée. Donc on va pas dire surcoté, mais en tout cas dans l'imaginaire populaire, il a été placé très très haut, peut-être un peu trop. Et est-ce qu'il peut rebondir ? Ah oui, oui, il peut rebondir maintenant. Où ça ? C'est vrai que là, ça va. Enfin, le rebond est possible, mais compliqué. Parce que bah, il y a tout le contexte marseillais, toute sa fin de la saison de trop en fait. Ouais, mais le contexte marseillais, il est nul par ailleurs. Mais pour moi, enfin, ça jaillit sur son image. Il a fait, je pense qu'il a fait la saison de trop à Marseille. Si Garcia part l'été dernier. Oui, mais dans un autre club, ça peut largement le faire. Je pense notamment à la Saint-Etienne. Saint-Etienne qui vise pour l'instant une solution en interne avec l'option printemps et Sablé, ça peut être une bonne solution. On parlait de Claude Puel également, Rudy Garcia qui a déjà entraîné la Saint-Etienne, surtout à une période, il est en duo avec Jean-Guy Wallem lors de la période des faux passeports, donc à une période où personne ne voulait entraîner la Saint-Etienne, où il avait fait plutôt du bon boulot en plus à ce moment-là, malgré la perte de points automatique du club. C'est quelqu'un qui connaît le club, c'est quelqu'un qui a la carrure pour entraîner l'AS Saint-Etienne, et dans une moindre mesure, la Ligue Europa est pile dans les ambitions de l'AS Saint-Etienne et non de la Ligue des Champions. Justement, je veux pas dévaloriser Saint-Etienne, mais est-ce que Garcia ne vise pas un peu plus haut ? J'espère pour lui qu'il fera pas l'erreur. J'espère pour lui qu'il fera pas l'erreur, parce que on a vu ce que ça avait donné malheureusement pour Laurent Blanc, qui s'est donné des objectifs très élevés. Alors oui, il sortait de Paris, et c'est, je pense que c'est normal quand tu sors de Paris d'avoir des attentes. Sauf que t'as attente et attente. Et là, on voit que Laurent Blanc n'a toujours pas trouvé de club. On l'a annoncé un peu partout. On l'a annoncé au début à Barcelone. Au tout début. Et je pense que ça allait peut-être un petit peu tourner la tête, même si on sait pas ce qui s'est passé à ce moment-là. Il y a eu Séville, qui a pensé. Manchester. Il y a eu Manchester. Il y a eu donc Lyon, tu l'as dit récemment. Et là, Laurent Blanc n'est toujours rien. Il y a eu même Chelsea. Et Arsenal aussi. C'est vrai. Et il est toujours sans rien. J'espère que Garcia ne fera pas cette erreur de se dire « j'ai entraîné l'OM, je vaux mieux que ça ». Pour moi, il vaut mieux entraîner même… Je vois mal Garcia faire. Je vois mal aussi, mais c'est juste une sorte, entre guillemets, un avertissement. Garcia, c'est quelqu'un qui croit au projet sportif. Si tu lui proposes un projet sportif concret, je pense pas qu'il va se sentir en tout cas dévalorisé par l'idée d'entraîner un club comme l'AS Saint-Etienne ou un club peut-être… plus entre la 7e et la 10e place en première ligue. Je vois bien Garcia relever un challenge comme celui-ci, un peu comme Puel avait tenté à Leicester. Bon, Garcia qui part, qui pour le remplacer alors ? Qui va vouloir entraîner Marseille ? Parce que là, c'est compliqué. C'est compliqué. Ce qui est compliqué. Alors, on parle de Gabriel Heinze, ce qui pourrait être possible. Ancien joueur de Marseille et de Paris notamment. Marseille et de Paris. Il y a plusieurs pistes qui peuvent être amenées. Il y a une piste à peut-être ne pas enterrer selon ce qui peut se passer, c'est Christophe Galtier. Je pense que Marseille n'attend qu'une seule chose, c'est de voir comment va se conclure l'affaire Galtier à Lille. Si Lille se débarrasse de Galtier, je pense que Marseille va sauter directement, et on sait à quel point Galtier est attaché à l'OM. C'est ce qu'attend Marseille, je pense. Galtier qui refuserait alors la Ligue des Champions ? Je pense pas qu'il la refuserait. Je pense qu'on lui dirait d'y aller. Il faut y aller. Il faut partir, Christophe. Du côté du LOSC, Lille pourrait prendre ce risque. On n'est pas une heure de management près du côté du LOSC depuis sous la nouvelle présidence. Dans les interviews de Christophe Galtier, ça se sent. Il ne répond jamais directement. Oui, je reste à Lille. Il répond énormément. Mais pourquoi je partirais ? Je suis très bien ici. Et ses réponses me font énormément penser à celles d'Antoine Camboiré quand il se savait condamné à Paris. Donc j'avoue avoir un petit doute pour Christophe Galtier à Lille. Bon, on va suivre ce dossier. Un autre entraîneur qui est parti, c'est Jocelyn Gourvennec, qui était un Guingamp. Il était arrivé le 12 novembre, il avait été entraîneur du club de 2010 à 2016. Guingamp qui descend en Ligue 2, c'est pour aller où ? C'est pour rester en Ligue 1 ? Rester en Ligue 1 ou autre. En Ligue 1. Par contre, ça appelle plusieurs autres départs à Guingamp. Tout Guingamp va être pillé. Qui a une très très belle équipe Guingamp en plus pour un club qui a fini lanterne rouge, donc... Oui, non, Gourvennec probablement en Ligue 1. On verra dans quel club, peut-être un promu. Bah, Marseille. Il y a Marseille, je sais pas. Je sais pas, c'est une question là. C'est tout d'un coup là. Marseille, pense, pourquoi pas, mais peut-être Brest. Brest, dont Jean-Marc Furlan n'est plus l'entraîneur parce qu'il a décidé de rejoindre Auxerre. Voilà, peut-être Brest. Après, Marseille, ça me paraît peut-être. Un peu trop, peut-être pour Gourvennec. Un peu trop encore pour Gourvennec. On a vu qu'à Bordeaux, ça s'était pas très bien terminé alors que la pression n'est pas la même. Je sais pas, je ne suis pas convaincu par Gourvennec à Marseille. Bon, la situation à Bordeaux était compliquée aussi. C'est vrai, il faut le dire. Elle est toujours compliquée. Elle est toujours compliquée. Jocelyn Gourvennec, on suivra. Un autre entraîneur qui part, c'est le troisième déjà. Gasset qui s'en va. l'entraîneur de Saint-Etienne qui avait réussi à amener les Stéphanois en Ligue Europa. Johan, je vais te donner la parole tout de suite parce que tu suis Saint-Etienne assidûment. Comme il faut, assidûment. Je peux vous dire qu'il a fait des calculs hein, tous ces derniers jours-là. Et il connaît tous les entraîneurs. Il a postulé. Hein. C'est... non, Gasset qui s'en va. On va rajouter aussi le départ de Dominique Rocheteau, oui, qui était prévisible, qui devait partir depuis plusieurs saisons. Qui part en déjà. Retraite, lui. Gasset, on ne sait pas trop où il va. Mais c'est le projet stéphanois dont je voulais que tu parles. Où vont-ils ? Justement, c'est la question. C'est la question que tout le monde se pose. Où est-ce que va l'AS Saint-Etienne ? On ne sait pas vraiment, finalement, parce que Gasset attendait quand même une réunion. Et au cours de celle-ci, il voulait avoir des garanties pour construire un effectif capable de jouer la Ligue Europa et le championnat. Or, il a décidé de partir en retraite. Donc, je pense que c'est clair et net. En tout cas, il a décidé de rentrer à Montpellier. Donc, je pense que c'est clair et net. Il voulait faire une dernière saison si ça valait le coup. Il est fatigué, il est très, très épuisé. Il voulait que ça vale le coup de faire une dernière saison. Ce qui est plus compliqué, c'est la stratégie stéphanoise. On sait que Roland Romeyer a du mal à sortir l'argent, comme beaucoup disent. Ouais. On parle le terme de pince est beaucoup revenu. Saint-Etienne, le problème au-delà de ça, c'est que Saint-Etienne a dépensé beaucoup d'argent au cours de deux mercatos. Le premier en 2009-2010, où Saint-Etienne a joué le maintien toute la saison. Et l'autre, c'était la saison dernière, celle où on recrute, où Saint-Etienne recrute, pardon, Loïs Diony. Petit réflexe. Ouais, petit réflexe, mauvais réflexe. On l'a tous. Saint-Etienne recrute Loïs Diony notamment pour 10 millions d'euros et finalement, ça part totalement loin. Saint-Etienne était à deux doigts de recruter Salibur également pour 8. Et il a fallu le retour de Gasset et un mercato d'hiver pour réparer tout ça. C'est assez inquiétant. Gasset qui s'exprimait justement. Je n'ai plus l'énergie. Physiquement, je suis usé. J'ai besoin de vacances, j'ai besoin de recul, j'ai besoin de repos. Et j'ai besoin de voir ma famille. Ne me dites pas que j'abandonne quelque chose. J'abandonne rien du tout. Je suis venu pour une mission, on m'a téléphoné alors que le club était très mal. Et aujourd'hui, quand je me retourne, le club est européen. Voilà, j'abandonne rien du tout. Ni personne. Travail réussi pour Gasset. Ah bah, clairement, travail réussi. Saint-Etienne était. Alors, on le sait, la situation interne est toujours aussi compliquée. Tu nous en as parlé, Johan, et je crois que t'es seulement au début de ta réflexion. mais pour ce qu'a fait Gasset, c'est donner un grand souffle d'air à Saint-Etienne parce que la situation était très, très, très compliquée. Et au niveau sportif. Là, c'est le niveau extra-sportif. On a évoqué, ça reste toujours un bordel monstre, pour parler poliment. Mais la situation sportive était aussi compliquée. Et là, Gasset a vraiment remis cette équipe à l'endroit et comme il l'a dit, il l'a qualifié en Coupe d'Europe et très près d'un passage en Ligue des Champions. À partir de là, on peut dire mission accomplie pour Gasset et repos bien mérité. Et justement, le problème est là pour la stratégie de Saint-Etienne. C'est que Saint-Etienne n'a pas accroché la Ligue des Champions. Et quand on sait les revenus générés par la Ligue Europa, donc d'un point de vue sportif, se qualifier en Ligue des Champions vous rapporte 15 250 000 euros. Se qualifier en phase de poule de la Ligue Europa, 2 920 000 euros. Oh là là. C'est totalement dérisoire. C'est incroyable. Donc, quand on sait. Et c'est énorme avec un budget de Saint-Etienne. Ah, c'est exactement ça. Donc, j'imagine même pas, petite parenthèse, mais les droits pour la troisième compétition européenne. Non, ça va être catastrophique. Tu vas gagner 3 centimes sur le souci, c'est que autant que la Ligue Europa rapporte moins d'argent que la Ligue des Champions, on y voit une certaine logique. C'est logique, oui. Par contre, tu joues quand même 6 matchs et si jamais tu te qualifies, tu vas quand même de plus en plus loin, tu dépenses énormément d'énergie, tu as besoin d'un effectif pour aller faire ces matchs. Et Saint-Etienne n'a aucune marge là pour recruter. Et quand on sait qu'il va y avoir des possibles départs, suite au départ de Gasset, il va falloir voir ce que vont faire les dirigeants en termes de budget mercato. Il y a la logique sportive qui s'oppose à la logique économique comme depuis plusieurs années déjà à Saint-Etienne. Parce que là, la logique, c'était recruter des joueurs confirmés, gratuit en général, avec le plus possible. C'est ça. Debuchy notamment. Mvilla aussi. Mvilla aussi, mais. Ça a commencé depuis 2010. Depuis les deux saisons où Saint-Etienne a joué le maintien, Saint-Etienne a toujours flairé les bons coups gratuits au mercato. Et maintenant, ça va être quoi? Ça va être du trading, c'est ça? Ça va être du trading de jeunes joueurs et qu'on pourra vendre avec un. On ne sait pas. On ne sait pas vraiment. Il y a deux stratégies possibles, je pense, pour Saint-Etienne. La première, c'est viser peut-être des joueurs dont le prix a baissé. On peut penser à quelqu'un comme Marcus Thuram à Guingamp, comme Saint-Etienne avait fait avec Ruffier à Monaco quand Monaco était descendu. On peut penser à des joueurs comme Max-Alain Gradel qui sont en début de trentaine, qui ne valent plus très cher et qui ont déjà exprimé leur souhait de revenir à Saint-Etienne. L'autre stratégie, ça serait de vendre afin de recruter. Et le seul joueur capable de rapporter une marge financière importante à Saint-Etienne, c'est William Saliba, qui peut être acheté entre 20 et 30 millions. Et on sait que les dirigeants stéphanois ne savent pas survendre. Dès que tu leur proposes un prix qui leur plaît, ils vendent. Ils ne négocient pas. 25 millions pour Saliba, on vend tout de suite. Ça, ce sont les deux stratégies qui vont s'opposer. Il n'y a pas des joueurs qui risquent de partir, justement, avec le départ de Gasset. Bah, Gasset faisait du bien au groupe aussi. Villa, il a annoncé, il a tout de suite lié son avenir à Gasset. Et puis même à force, cette stratégie de, on va dire, d'usure financière, elle peut peser sur des joueurs dans un monde où on voit de plus en plus de joueurs de foot, même très jeunes, afficher leur richesse, leur contrat, leur salaire. Il y a des jeunes qui vont peut-être se dire, Saint-Etienne, même pas en rêve. Ça peut coûter aussi au niveau du recrutement, cette stratégie-là. C'est compliqué. En fait, à partir déjà du moment où il y a une certaine bipolarité dans le club, donc une certaine opposition entre Bernard Caiezzo et Roland Romeillet, de base, forcément, c'est pas facile. On sait que pour le choix d'entraîneur, déjà, c'est compliqué parce qu'ils ne veulent jamais le même. Là, on sait que Bernard Caiezzo est pour recruter un entraîneur, si possible, de renom, en tout cas, possiblement pour Saint-Etienne. Et Mourinho, on sait que Romeillet est plutôt convaincu par le duo printemps-sablé. C'est compliqué. Saint-Etienne a une tendance à ne pas sortir les sous quand il le faut. Le problème, c'est que ça fait plusieurs fois que Saint-Etienne stagne au moment où ils doivent franchir ce palier. C'était le cas quand ils sont qualifiés en Europe à la fin des années 2000. Ils ont joué le maintien derrière. C'était le cas sur les dernières années de Christophe Galtier, qui ont d'ailleurs fait beaucoup de mal à Christophe Galtier, parce qu'aujourd'hui, beaucoup le disent de lui que c'est un entraîneur défensif, ce qui n'était pas le cas. Merci Antoine. Je viens de tomber de ma chaise. Bon, ça, il a remis les pendules. Voilà, il a remis un petit peu les pendules à l'heure. Et en fait, on est en train de se dire que l'histoire se répète. Une troisième fois, Saint-Etienne peut vraiment franchir ce palier. Et ça va ressembler à une saison finalement peut-être médiocre. Voilà, c'est la question que je voulais poser. Et la saison prochaine, Saint-Etienne sans Gasset, ça va donner quoi? Le problème, c'est que la saison prochaine, elle commence maintenant en fait. Là, bon, le vrai problème, c'est que les recrutements, les négociations se sont déjà en cours normalement depuis un ou deux mois. Les joueurs sans contrat, ils sont déjà en négociation pareil depuis un ou deux mois. Toutes les cibles potentielles de Saint-Etienne, que ce soit au niveau des joueurs, au niveau des entraîneurs, tout ce qui pourrait être intéressant, c'est déjà bouclé. J'ose espérer que les dirigeants ont déjà travaillé sur un possible successeur. Parce que c'est ça qui est inquiétant. On a la sensation, quand on les écoute parler, qu'ils ont découvert en même temps que tout le monde que Gasset partait, alors que Gasset l'a dit depuis plusieurs mois déjà que ce n'était pas le cas, qu'il allait prendre la réflexion qu'il fallait pour savoir s'il restait ou non. Et on a la sensation que les dirigeants sont pris au dépourvu. En témoigne du coup cette indécision concernant le nouvel entraîneur. Quand l'un veut la solution interne, l'autre souhaite justement un entraîneur de renom. C'est compliqué. Des noms qui circulent d'entraîneurs qui pourraient rejoindre Saint-Etienne? Alors les noms qui circulent pour l'instant sont Claude Puel, on parle également de Pascal Duprat, de ce fameux duo Sablé et... Passer de Gasset à Duprat, ça doit appliquer. Sablé et Printemps. Et l'entraîneur dont on parle récemment et dont on a parlé plusieurs fois à Saint-Etienne, et ça pourrait pour une fois peut-être le faire, c'est Antoine Camboiré. Là, ça pourrait être un bon club pour Camboiré. Ça serait pas un mauvais choix, Antoine Camboiré. Par contre, Antoine Camboiré, on est à peu près dans le même style que Rudy Garcia. C'est souvent deux bonnes saisons et la troisième est souvent plus compliquée. Ouais, bah Antoine, il va le faire. Ça serait déjà bien deux bonnes saisons. Ouais, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal deux bonnes saisons pour Saint-Etienne. On va boucler cette page départ d'entraîneur. On va parler d'un entraîneur qui lui arrive. C'est chez le rival. C'est chez Lyon. C'est Silvinho. On en parle tout de suite. Donc je voudrais encore remercier. Down like an Armageddon flame. The shame, the one to Les titulaires avec Johan Bredov sur Studek Web. Et on est de retour, les titulaires évidemment comme toujours avec Johan qui essaye de tuer son micro et ça c'est quelque chose que vous ne devez pas voir. Je crois qu'il voit la tête des deux présidents tentés là. On a, du micro, là. Exactement. On a parlé des départs des entraîneurs, on va parler d'une arrivée, Silvinho qui arrive à Lyon. C'est Juninho qui le recrute en tant que nouveau directeur sportif. Alors Silvinho c'est un ancien joueur brésilien. Il n'a aucune expérience en tant qu'entraîneur principal. Il a été adjoint de Mancini à l'Inter, adjoint de la Seleção. Il prône un jeu offensif selon Roberto Mancini, qu'il l'a dit il y a quelques jours. Silvinho, une bonne idée, Johan, à Lyon ? Alors, c'est une idée. On ne saura que plus tard si elle est bonne ou si elle est mauvaise. La vraie information dans l'arrivée de Silvinho à Lyon, c'est que c'est Juninho qui le voulait. Ouais. On sait que la cible de Lyon, c'était Juninho en tant que directeur sportif avec pas mal de pouvoir sur le plan sportif, justement. Et Juninho voulait Silvinho en tant qu'entraîneur. Donc, il y a eu, évidemment, réunion avec Jean-Michel Aulas, parce que Jean-Michel Aulas ne donne pas non plus les clés comme ça pour son club. Même si c'est Juninho. Donc, Jean-Michel Aulas a été convaincu. Juninho le voulait, enfin, Aulas voulait Juninho, Juninho voulait Silvinho, Silvinho a convaincu Aulas, ça ressemble à une bonne idée pour l'instant. Mmh. Maintenant, il faudra voir sur la pratique ce que ça donne. Ça sera mieux que Genesio ? Mieux, alors, c'est un peu compliqué de juger le bilan de Bruno Genesio, parce que le bilan sportif en soi est bon, le bilan en termes d'image est horrible. Du coup, c'est assez compliqué de dire comment faire mieux que Genesio, à part juste essayer de créer une relation avec les supporters. Je pense que c'est là que Genesio a complètement raté son truc, c'est qu'il était tellement enfermé sur le sportif, que la relation avec les supporters, il est passé à côté. C'est probablement ce qui lui a coûté sa tête. Même si Aulas l'a maintenu deux saisons de plus que ce que tout le monde voulait. Plutôt à raison, quand on regarde les résultats. Mais puis aussi parce que Lyon peut-être ne trouvait personne pour le remplacer à ce moment-là. Aussi peut-être pour ça. Non, mais ça peut jouer forcément. Mais du coup, le problème de Lyon vraiment, c'est qu'ils n'ont jamais su être réguliers. C'est là qu'on attend vraiment les Lyonnais, c'est dans la régularité. C'est-à-dire que faire des matchs comme ceux qu'ils font contre le PSG, mais les faire contre toutes les équipes. Parce que là, si Lyon joue tous les matchs comme contre Paris, ils sont deuxième. Voire même premier, du coup, vu qu'ils ont battu Paris. Oui, c'est assez compliqué. Ils l'ont fait aussi contre City en Ligue des Champions, faut pas l'oublier. Contre Marseille aussi, de temps en temps. Et pourtant, on avait encensé Genesio à cette époque-là, au moment où Lyon bat City. Après, c'est compliqué, la culture de l'instant dans le foot, exactement. Elle est très très présente. Ça, tu peux avoir un mec individuel qui va te faire un match de fou, pas forcément un attaquant, parce qu'un attaquant ça se voit, mais un milieu de terrain qui va te faire le match de sa vie, ça va bien faire tourner l'équipe et tout le monde va dire Genesio, alors que si ça se trouve, ce sera juste ce mec-là qui à l'instant T aura été en sur-régime ou aura fait un super match. Là, c'est difficile à dire à chaque fois quel est le dosage dans la préparation du rôle de l'entraîneur et du rôle des joueurs. Mais prendre quelqu'un qui n'a pas d'expérience. Là, voilà. Quelqu'un qui n'a pas d'expérience. Est-ce que c'est pas trop risqué ? Juninho qui n'a pas d'expérience non plus, d'ailleurs. Lyon n'est pas un petit club. Lyon est un gros club qui veut viser la Ligue des Champions et qui veut espérer aller au moins en 8e. Est-ce que c'est pas dangereux ? C'est un chemin vers le chemin qui est souhaité par Lyon. Disons que c'est un détour qui est fait parce qu'il le faut. Parce que comme l'a dit Antoine, il faut renouer ce lien avec les supporters qui était totalement cassé. Non pas que à cause de Genesio, mais également à cause de la communication de Jean-Michel Aulas qui était plus en plus détesté par les supporters. Mais parce qu'il les a allumés aussi. C'est ça, il y avait de grosses difficultés entre l'institution et les supporters. Alors qu'on est au lendemain, du coup, de la création de ce nouveau stade, de cette nouvelle atmosphère, tout cela n'a pas duré très longtemps. C'est vite parti un peu en cacahuète. Donc à partir de ce moment-là, il faut déjà reconquérir le public, reconquérir l'amour que doit avoir un club comme Lyon. Lyon est un club autant aimé que détesté partout en France. Une fois que cette mission est faite, soit Silvinho a convaincu en plus sur le sportif, et dans ce cas-là, tant mieux, parce que tu peux avoir un super jeu et jouer le maintien comme Dijon, et tu peux avoir un jeu pas très beau et gagner le championnat comme Leicester. Donc déjà, dès que cette mission-là est réussie, là après, viser en plus, que ce soit avec Silvinho ou non, la victoire et des trophées. En tout cas, on espère que ça ira mieux pour les Lyonnais. On va parler des trophées UNFP. Sans transition. Sans transition. Ouais, parce qu'il n'y a pas de Lyonnais au trophée. Bonsoir. Parce qu'il n'y a pas de Lyonnais, c'est vrai. Ah si, dans l'équipe type, il y en a deux. Ah bon, tu vois, t'aurais pu avoir une transition. Il y en a deux. Oui, c'est vrai. Mais en équipe type, on va en parler un petit peu plus tard parce qu'on va débattre un peu dessus. Trophée UNFP, Mbappé qui a marqué la soirée avec cette déclaration. Donc, je voudrais encore remercier les joueurs, le coach, le club. C'est un moment très important pour moi parce que je pense que aussi j'arrive à un premier ou un second tournant de ma carrière. Je sens que c'est peut-être le moment d'avoir plus de responsabilités. J'espère que ce sera peut-être au Paris Saint-Germain. Ce sera avec grand plaisir ou peut-être que ce sera peut-être ailleurs pour un nouveau projet. Mais je voudrais vous dire merci. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il est en train de dire, Antoine ? Là, on ne sait pas. Personne ne sait et personne ne sait ce qu'il a voulu dire, ce qu'il a voulu faire. Alors les spéculations, ça y va. Tout le monde a son idée, son interprétation sur ce qu'il a voulu dire. Il n'y a que lui qui le sait, puisque même sa famille n'était pas au courant. Le club était encore moins au courant. Tout le monde est un peu tombé des nues là, sur cette déclaration. À ce moment-là de la saison, la seule explication valable, la seule explication qui me semble à peu près logique, c'est qu'il ait voulu dire « Ok, c'est le bazar dans ce club ». Il faut que quelqu'un mette un coup de pied. Et dans ce cas-là, ça va être mais bon. Là, oui, là, mais là, il remue le bazar, en fait. Oui, non, mais ça peut aussi avoir un impact positif, hein, cette déclaration. Après, parce qu'il y a beaucoup... Auprès des supporters, Auprès des supporters, non. Mais dans le club, il y a beaucoup de gens qui se cachent. Parce qu'il est en train de tuer l'amour qu'avait le public pour lui. Ah bah, je suis même pas sûr. Enfin, le problème, c'est qu'il l'a tué avant, cet amour. Le problème de Mbappé, c'est qu'il a tué l'avant. Non. Il n'y a jamais eu énormément d'amour du public du PSG, des historiques du PSG pour Mbappé. Jamais non, énormément. Je ne suis pas spécialement d'accord avec ce que tu dis. Il n'y a pas spécialement d'amour de manière générale envers les joueurs du PSG partout en France. Et Mbappé incarne un peu cela. Non, au sein des supporters même de Paris, Mbappé est aimé. Tout comme Neymar est aimé, tout comme beaucoup de joueurs sont aimés. Alors ils n'ont pas l'amour d'un Edinson Cavani, mais ce sont quand même des joueurs qui sont aimés. Ce n'est pas parce que tu es moins aimé Cavani que ça veut dire que tu es forcément en conflit avec tes supporters. Le problème, c'est plus sur la forme. Ah bah, la forme est catastrophique. Déjà, il commence par remercier Nasser pour tout ce qu'il a fait pour lui, en disant derrière, mais au fait, il se peut que je parte. Et la forme est surtout pas bonne, due aux nombreuses déclarations d'Mbappé qui auparavant a assuré qu'il restait à Paris, qu'il a dit qu'il n'y aurait absolument aucune spéculation, qu'il veut connaître un grand parcours en Ligue des Champions avec le PSG, qu'il l'a affirmé et réaffirmé. Notamment après la défaite face à l'élimination face à Manchester. Évidemment, surtout à ce moment-là crucial où il affirme non, je dois, surtout qu'il sait que pendant ce match-là, il a failli. Donc là, la communication n'est pas bonne du tout. Mettre un coup de pied dans ce qui ne va pas, pourquoi pas ? C'est une explication qui, pour moi, est plausible de la part d'Antoine. Donc oui, le vrai souci, c'est comment, qu'est-ce qu'il veut exactement ? Voilà, est-ce que ça veut dire Cavani va-t'en et laisse-moi l'axe ? Prendre ses responsabilités, ça veut dire quoi ? Voilà. Moi, je pense... l'axe, tirer les pénalties. Je pense pas qu'il ait réclamé le départ de Cavani par cette déclaration. Ça, je pense pas. Il peut réclamer l'axe. Par contre, je pense qu'il ait réclamé un statut au moins égal à celui de Cavani dans le vestiaire et dans l'implication du club. Il est déjà plus. Bah oui, mais le problème c'est que il s'en rend pas compte. Il veut toujours plus, Mbappé. Il veut toujours plus. C'est sa personnalité. C'est aussi ce qui fait son talent. C'est que c'est un mec qui va jamais être satisfait de ce qu'il a. Tant mieux, parce que ça l'encourage à aller toujours marquer plus. Sauf qu'il y a un moment où il faut savoir aussi lâcher un peu les rênes. Là, son attitude lors du dernier match au Parc, personne l'a compris. Pas un sourire. Bah, il joue le soulier d'or, en fait. Il joue le soulier d'or. Et du coup, est-ce que sa déclaration, c'était en mode, voilà, est-ce que c'est je veux tirer les pénalties parce que si je tirais les pénalties, je l'aurais ? Peut-être. Mais pour moi, tous ceux qui disent réclamer un départ de Cavani, non. Parce que déjà, il peut parfaitement jouer alors, avec Cavani. Il y a une différence entre réclamer l'axe et réclamer un départ de Cavani. Là, je suis d'accord. Tu peux simplement réclamer l'axe, mais en sachant que avoir l'axe, ça passe soit par un départ de Cavani, soit par un jeu à deux en attaque. Ce qui se fait d'ailleurs souvent. Il l'a déjà, je pense qu'il veut être seul dans l'axe, je pense effectivement que c'est plutôt ce que veut Kylian Mbappé. Ça ne veut pas dire qu'il veut que Cavani parte. Il peut très bien dire Cavani, je prends sa place et quand je souffle, c'est lui qui sera titulaire. Ou ça peut très bien dire il va falloir qu'il parte. Mais ce qu'il veut, lui, c'est l'axe. Et éventuellement, pourquoi pas un meilleur salaire. Quel respect pour Cavani. En fait, voilà, je pense que ce qu'il a mal calculé, au-delà de tout ce qu'il a voulu dire, peu importe. Mais ce qu'il a mal calculé, c'est que dans la manière dont il le dit, c'est qu'il veut dégager Cavani. Même si c'est pas vrai. mais dans la manière dont il le dit, c'est ça qui ressort. Et surtout, le problème, c'est que bah, Cavani, c'est le chouchou du parc. Et dire là, ça, oui. Et dire ça. Meilleur buteur de l'histoire du PSG. Meilleur buteur de l'histoire du PSG. Même en dehors de ça, même avant qu'il le soit. Cavani, c'est le chouchou du parc. Mais il faut se poser la question de pourquoi aussi. Donc Cavani, ça n'a pas été le chouchou du parc pendant un temps. Voilà. Mais parce il que a Cavani, mis du temps à gagner mais Cavani son a tout, mais il y a des joueurs comme ça qui ont mis du temps à gagner. Il y a beaucoup de joueurs. Il y a Javier Pastore aussi. Pendant très longtemps, il a été sifflé et quand il est parti, Rai également, Rai. Il fut un temps. Pauleta, c'était même plus dans immédiat. Même dans d'autres clubs encore, il y a plein de joueurs pour qui c'est le cas. Mais du coup, le problème en disant ça, c'est que là, il se met en opposition. Même encore une fois, même si c'est pas ce qu'il a voulu dire, c'est ce qui ressort. Et là, t'as une grosse partie de ce public qui en plus fait l'ambiance du Parc des Princes. C'est pas les lambda là qui s'est mis à dos. Les lambda, ils en ont rien à faire. Mais c'est ceux qui font vraiment l'ambiance du parc, ceux qui transmettent l'histoire du PSG, qui étaient peut-être là avant et qui seront certainement là après. Là, c'est eux qui s'est mis à dos. Et c'est eux qu'il ne faut pas se mettre à dos. C'est comme Thomas Meunier là-dessus. Puis, il s'est très vite excusé, Thomas Meunier, d'ailleurs, quand il a fait ça. Quand il veut gagner quelque chose, on dit que c'est bien. Il ne faut pas oublier qu'il n'a que 20 ans. À 20 ans, même si tu es champion du monde, même si tu es Kylian Mbappé, même si tu as mis plus de 30 buts en championnat, tu as encore des choses à apprendre. Le soulier d'or, il va peut-être t'échapper cette année. Il y a une autre année où il ne t'échappera pas. Il faut encore et encore. On n'est pas obligé de tout gagner tout de suite. D'ailleurs, il est prouvé que les joueurs qui ont tout gagné très vite ont souvent eu une fin de carrière un petit peu bizarre. Coucou Ronaldinho. Mais Mbappé peut encore réaliser de saisons exceptionnelles. Et il va réaliser des saisons exceptionnelles. Vouloir tout de suite, plus de responsabilités, encore et encore, il y a quand même Neymar au PSG. Et ça, on a tendance à également l'oublier. Il y a Neymar. Ce n'est pas n'importe qui, mine de rien, il ne l'a pas cette Coupe du Monde Neymar ou autre, mais Neymar il a un vécu que tu n'as absolument pas et il a un talent tout aussi, si ce n'est peut-être même un peu plus pour beaucoup. Neymar plus éclatant que le meilleur joueur qu'Mbappé, c'est normal, il a l'âge aussi. Il faut également prendre en compte, même si Neymar s'est blessé deux fois et que du coup on a tendance à l'oublier lors des secondes parties de saison, il y a Neymar, le boss à Paris, ce soit techniquement ou médiatiquement, c'est Neymar. C'est peut-être ça que Mbappé a du mal à digérer aussi. Mais il faut qu'il l'accepte. Neymar, c'était le cas quand il avait 20 ans ou 21 ans et qu'il a rejoint Barcelone. C'était Lionel Messi. D'ailleurs, et justement, il est parti parce que lors de cette fameuse remontada contre Paris, c'est Neymar qui fait un match incroyable et tout le monde se rue vers Messi. Et là, Neymar s'est dit, c'est pas possible. Je commence à être dans la force de l'âge ou autre, donc je dois partir. Mbappé, faut qu'il se détende un petit peu sur ce point de vue-là. Je vais jeter un petit pavé dans la main, mais c'est vrai qu'on n'a pas pensé à ça. Mais au moment où Neymar parle des jeunes qui n'écoutent pas, est-ce qu'il n'y avait pas Mbappé dans le lot? Possible. C'est possible. Parce que personne n'a soulevé, mais. Non, mais c'est possible. Là, à la lumière de ses déclarations et de son comportement, même si moi, j'ai pas forcément de problème avec l'arrogance affichée, parce que t'as besoin de ça aussi pour devenir un grand joueur. C'est de la force de caractère. Bon, ça me gêne parfois, mais t'as pas tout le temps de ça. T'as pas tout le temps besoin de ça. Mais si n'est pas arrogant. Ah oui. Ah, mais là, oui. S'il n'était pas arrogant à cet âge-là. Place le problème, c'est à l'âge qu'il a. Il a que 20 ans. Et parler déjà comme ça, c'est un manque de respect, je trouve, pour Neymar ou Cavani. C'est ça, mais pour tout le reste de ses coéquipiers. Même lorsque tu dis que Messi ne l'est pas, Cristiano Ronaldo, qui est du coup l'opposé entre guillemets de Messi, l'est. Ronaldo n'a jamais fait preuve de déclaration arrogante quand ça n'allait pas trop au sein de ses clubs. Il a toujours fait preuve d'arrogance quand tout allait très bien. Tu peux savoir placer ton arrogance. C'est la chose qu'a du mal à faire Mbappé. Et comme dit Johan, et c'est vrai, cette déclaration-là, vu comment elle a été prise, et celle-là également Antoine, où c'est vrai, c'est un manque de respect total pour Edinson Cavani. Rapidement, le PSG doit laisser partir Mbappé en cas de grosse offre, 250 millions d'euros par exemple. Jamais de la vie. Non, jamais de la vie. Tu le recadres, mais tu le laisses pas partir. Ça serait trop. Tu perds. Là, je pense même qu'il n'y avait pas besoin des déclarations de Mbappé pour que Paris cherche à se débarrasser de Cavani. Ça, je suis d'accord. Mais la valeur marchande de Mbappé, elle pourra jamais dépasser la valeur qu'il peut avoir dans 2-3 ans. Non, c'est impossible. C'est ça. On va clore le chapitre Mbappé. On va toujours parler des trophées UNFP. Le meilleur gardien, Mike Maignan. On est tous d'accord, logique. Il y avait Benitez qui pouvait y aller. J'aurais aimé Benitez au moins dans les sélectionnés. Et dans les nommés. Ouais, mais... Meilleur entraîneur, Christophe Galtier. On en a parlé un petit peu tout à l'heure. L'équipe type, je vais vous demander votre avis, messieurs. Donc, Mike Maignan, Ferland Mendy, Thiago Silva, Marquinhos, Lala. Oui. Ça, c'est la défense. Ndombele, Verratti, Di Maria au milieu à 3. Rien à dire non plus. Et peut-être Savanier aurait pu faire quelque chose. Savanier, voilà. Mais ça aurait pas été un scandale que Savanier y soit, tout simplement. Neymar, Mbappé, Pepe. Là encore, quand Neymar, tu regardes la saison, quand tu regardes la saison, ouais. Là encore, il y a rien à dire. Même si, effectivement, moi personnellement, j'aurais plutôt mis Di Maria devant et Savanier au milieu. Mais à partir du moment où tu mets Di Maria au milieu, ça me paraît logique que Neymar y soit. C'est ça. Très bien. Qu'un scandale. Antoine, je vais demander ton avis sur le meilleur gardien de Marconnet. C'est le gardien du PFC. Tu voulais dire un mot sur lui. Ouais, parce que est-ce que vous savez que en France, on a le meilleur gardien d'Europe. Enfin, en tout cas, le meilleur gardien en termes de clean sheet. Parce que, donc, tu en as parlé, Johan, c'est Vincent de Marconnet, donc le gardien du Paris FC, 36 ans, et c'est le gardien qui compte le plus de matchs sans but encaissé sur l'ensemble des divisions professionnelles. 23 matchs sans encaisser de but cette saison, c'est plus qu'Alisson et Dean Henderson, qui est le gardien de Sheffield United en Championship. Ils en sont tous les deux à 21. Et donc oui, j'avais envie de rendre hommage quand même à Vincent de Marconnet, parce qu'il a eu un parcours qui est vraiment pas facile. D'abord, il a débuté en Ligue 2 au Mans en 2004-2005. Il était troisième gardien derrière Johan Pelé et Willy Grondin, des noms qu'on a retrouvés un petit peu partout dans le football français. Ensuite, bon, manque de temps de jeu, troisième gardien. Il est jeune, on connaît. Il est parti au Sable d'Olonne en CFA 2 à l'époque, puis remonte en National. Il joue 8 matchs. Et puis en 2008-2009, il arrive au Paris FC. Et oui, déjà, 11e saison. Il vient de terminer sa 11e saison au PFC. Hein. Et il a connu beaucoup de choses et pas toujours bonnes dans le deuxième club de la capitale. Des saisons de galère avec, à la base, ils jouent au stade d'Egerine dans le 20e arrondissement avant de déménager à Charletti. Ils ont été repêchés plusieurs fois alors que la descente en CFA2 était actée sportivement, on va dire. Et pour lui, sa saison la plus compliquée, ça a été 2014-2015. Sa période la plus compliquée, on va dire, sur deux saisons, 2014-2015. Hervé Liboyi, qui était le joueur formé au club, est revenu prendre le brassard de capitaine alors que c'était de Marconnet. Il a rien dit. Il a fait ses matchs dans son but. La montée est atteinte. Dominostic 2. Le PFC recrute Alexis Thébault, l'ancien Brestois, le mets titulaire de Marconnet, qui a joué que deux matchs cette saison. N'a jamais râlé, jamais protesté, alors que ça faisait un petit bout de temps qu'il était là. Il avait quand même connu pas mal de choses. Descente en National. Thébault, bah, bizarrement, il n'est pas resté. De Marconnet, il est revenu dans son but. Et là, une saison assez exceptionnelle pour le PFC, qui va terminer troisième avec la meilleure défense, seulement 18 buts encaissés. Perdre en barrage, être repêché grâce au déboire du Sporting Club de Bastia. Et là, donc, on la connaît la suite, maintien en Ligue 2. Et là, cette saison, donc la saison énorme. Encore une fois, meilleure défense, 22 buts encaissés seulement. Et donc, c'est le plus grand nombre de matchs sans prendre de buts. Malheureusement, il a rien pu faire hier soir pour empêcher la défaite de son équipe au tir au but. Encore une fois, au moment de tirer les bilans, il y en a un seul qui s'est avancé, qui s'est présenté face à la presse, c'est Vincent de Marconnet. Quand tu perds au pénalty, c'est toujours cruel pour l'équipe qui perd. Le club a passé un cap, on va pouvoir s'appuyer sur ça dans les années à venir pour continuer à faire grandir le club, à le développer. On a pu voir ce que ça pouvait donner un match de Ligue 1 à Charletti. Et voilà, ça ressemble à quelque chose. Donc il y a de la place pour nous à l'étage supérieur, il y a un public qui a répondu présent. Un public qui a répondu présent, ce qui était très rare à Charletti. On aura l'occasion d'y revenir très rapidement. Mais en tout cas, la seule chose qu'on sait pour la saison prochaine, le Paris FC, c'est qu'à la rentrée, il y en a un qui tiendra sa place avec Claude Brassard pour sa 12e saison. C'est Vincent de Marconnet. Le PFC, justement, on va en parler juste après une petite pause. PFC Lens, c'était le match d'hier. Tout nous en a parlé, Antoine. It's just a matter how you solve them, and knowing how to change the things you've been through. Les titulaires avec Johan Bredov sur StudecWeb. Troisième partie des titulaires, on a parlé de Marconnet, le gardien du PFC. On va parler justement de ce club qui jouait face à Lens en play-off. 7000 Lensois avaient fait le déplacement et c'est un petit peu étonnant, hein, Antoine, tu me le disais, au vu de la restriction de la LFP sur les déplacements. Il y avait du bruit à Charletti. De ce PFC Lens un partout, mais Lens qui s'est qualifié au tir au but. Alors on va expliquer tout ça, hein. Donc le PFC qui était quatrième de la Ligue 2, Lens qui était cinquième, ils vont rencontrer le troisième de la Ligue 2 qui est 3, ouais. Et ensuite le vainqueur de 3, Lens du coup, rencontrera le 18e de Ligue 1. Et voilà, c'est assez long, on va en parler un petit peu. Tu vas nous parler un petit peu du match et on en parlera justement de ces play-offs barrages. Ah, c'était un match vraiment tendu et ça se sentait. Après, on connaît le PFC, c'est une équipe qui défend et qui défend bien. Et elle l'a fait hier soir, hein, la seule action lensoise à amener un but sur une perte de balle à 30 mètres et un contre tout bête en fait terminé par les Lensois. Puis égalisation dans le temps additionnel du PFC, Marko Miletić. On n'a rien eu à se mettre sous la dent pendant la prolongation. Il s'est tout simplement rien passé. Et puis, séance de tir au but. Romain Perrault, le joueur prêté par Nice, qui avait déjà touché la barre plus tôt et qui explose le poteau sur son tir au but. Aucun arrêt de gardien des deux côtés. C'est un peu dommage pour le Paris FC, mais finalement, au vu du match, ils auraient sûrement mérité de s'imposer. Mais ça fait quand même plaisir, on va dire, de voir Lens en course pour la Ligue 1. Mais j'ai envie de te dire, est-ce que c'est pas un peu dommage aussi pour la ville de Paris? C'est assez unique, quand même, que dans une capitale, dans une grande capitale européenne, unique, hein, qu'il y ait qu'un seul club. La seule grosse capitale d'Europe à n'avoir qu'un seul club. Un seul club dans l'élite, c'est le PSG, et ça aurait été pas mal d'avoir le PFC. Ça aurait été super. Après, c'est bien d'avoir Lens aussi. Lens manque à la Ligue 1. Le public de Lens manque à la Ligue 1. Non, Lens de manière générale manque à la Ligue 1, c'est un club manque à la Ligue 1. Mais oui, un derby de Paris, ça aurait été beau. On va pas se mentir, on l'aurait tous aimé un petit peu. On va faire avec. Enfin, on va faire sans. On va faire sans du coup. Les playoffs plus les barrages, c'est assez compliqué. Bah, ça fait double playoff. Playoff 1 et 2, ouais, puis play-off barrage. Playoff 1 et 2, puis barrage. Vous en pensez quoi, messieurs? On en avait parlé déjà, je pense, dans les titus il y a quelques mois, quelques années presque, de ce système qui est nouveau. Johan, ça fait longtemps que on t'a pas entendu, on a beaucoup entendu Antoine. C'est vrai. T'en penses quoi, toi? Alors, déjà, il faut faire attention à quelque chose. Il y a les barrages. Oui, monsieur. Et il y a les play-offs. Les play-offs, les clubs de Ligue 2 étaient pour, notamment à cause du cas du RC Lens. Du RC Lens qui, il y a deux saisons, était troisième à la 87e minute de la dernière journée. 3 a marqué un but à Sochaux, il me semble, qui leur donne la victoire, qui fait que Lens est descendu. Lens était deuxième et descendu troisième et s'est retrouvé quatrième avec le but à la dernière seconde d'Amiens. Donc en fait, les playoffs ont été justement installés en accord avec les clubs de Ligue 2 à cause justement de cette situation terrible où en 3 minutes, Lens, qui avait fait une superbe saison, s'était retrouvé totalement fanny. Donc. Les playoffs, ils sont pour. À partir du moment où ils sont pour, je pense qu'on n'a pas de débat à avoir. Les clubs de Ligue 2 sont pour, c'est OK. C'est plus au niveau des barrages, sur le timing des barrages, sur un petit peu tout. On sent quand même que c'est vraiment fait pour favoriser la Ligue 1 et rien d'autre. Il y a des timings qui posent question. Tu l'as dit, alors les clubs de Ligue 2 étaient pour les playoffs, sauf qu'on a d'abord instauré les barrages. C'est ça. La première saison. Et ça n'a pas fonctionné puisque 3 est quand même monté en Ligue 1. Au détriment de Lorient. Et la saison d'après, on nous dit qu'on ajoute des playoffs. Alors, c'est peut-être pas la volonté. Peut-être que les playoffs étaient en discussion depuis plus longtemps et tout. Mais dans les faits, on a vraiment l'impression que c'est, ah bah, t'as réussi à monter quand même. Et bah, on va rajouter encore une difficulté avec deux matchs secs. Et avec avantage, bien sûr, à chaque fois au plus haut dans le classement. Puis le match aller-retour. C'est pour le troisième que c'est le pire, en fait. Tu es troisième, tu dois d'abord faire un match de barrage contre un club de Ligue 2. Puis un barrage aller-retour contre un club de Ligue 1 avec match retour sur le terrain du club de Ligue 1. Donc, surtout que le, c'est des... être troisième de Ligue 2, c'est quelque chose. Ouais, puis on a la même chose en national. Ils ont ajouté aussi les barrages. Il n'y a pas de play-off en national, mais là, le Mans va devoir aller à Ajaccio. C'est ça. Ouais, vous n'êtes pas fan de ça, les amis. Non, bah après, c'est déjà mieux que la décision initiale qui était de descendre, de monter et basta. Ouais. Mais ça reste. Une ligue fermée, quoi. On se dirige vers une ligue fermée. C'est ça. Et pourquoi une ligue fermée, non, même pas pour des raisons sportives, pour des raisons économiques. Et moi, c'est ça qui me gêne. Si c'était des raisons sportives, t'aurais des moyens de le justifier. Bon, bah. Le souci, c'est que la Ligue 1 finance la Ligue 2. Il serait peut-être temps que la LFP trouve des moyens de permettre à la Ligue 2 de s'autofinancer. Mais, parce qu'il y a une différence énorme hein, économique, mais même de niveau. On le voit avec tous ces clubs qui font l'ascenseur, avec Metz, avec Troyes. Enfin, s'il y a un problème. Et là, si on, et c'est pas en faisant des playoffs et des barrages que ce problème va se régler. On le verra plus, c'est tout. Bon, en tout cas, Lens qui rencontrera 3 du coup, et le vainqueur, comme je le disais, rencontrera le 18e de Ligue 1. Et le tout en une semaine d'ailleurs. Et le tout en une semaine. Playoff 1 était hier, je crois que c'est mercredi le playoff 2, vendredi barrage aller, et il me semble que c'est lundi ou mardi le barrage retour. Ouais, ça pourrait faire 4 matchs en jour, tu m'as dit, Johan, hors antenne. Ça risque d'être compliqué du coup, forcément, pour les clubs de Ligue 2 pour monter en Ligue 1. Fin de cette partie, hein, de cette partie Ligue 2. On va parler de l'équipe de France et de la liste de Didier Deschamps, la liste des 24, et oui, 4 gardiens ont été appelés. Je vais vous donner la liste, hein, les gardiens, Alphonse Areola, Hugo Lloris, Benjamin Lecomte, et la surprise, elle est là, c'est Mac Maignan. Les défenseurs, Lucas Digne, qui sort d'une grosse saison à Everton, Léo Dubois, là aussi surprise, Clément Lenglet, là aussi notre surprise, Ferland Mendy, Benjamin Pavard, Samuel Umtiti, Raphaël Varane et Kurt Zouma. Milieu de terrain, N'Golo Kanté, Blaise Matuidi, Tanguy Ndombele, Paul Pogba, Moussa Sissoko. Et attaquant, Wissam Ben Yedder, qui fait son retour, Kingsley Coman, Olivier Giroud, Antoine Griezmann, Thomas Lemar, Kylian Mbappé et Florian Thauvin. On va faire dans l'ordre. Hein. Les gardiens, Mike Maignan, qui est appelé en lieu et place de Steve Mandanda. Est-ce que ça signifie la fin de la carrière internationale de Mandanda ? Ce qui peut signifier la fin de sa carrière, c'est le fait qu'il y ait 4 gardiens sélectionnés et pas Steve Mandanda. Mandanda a fait une saison à l'image de son club, catastrophique. Maignan est le meilleur gardien de, a été élu meilleur gardien de Ligue 1. La question qu'on peut se poser, c'est pourquoi 4 gardiens ? Alors, on a tous à peu près notre petite idée. Sûrement pour le match contre la Bolivie. Peut-être que Benjamin Lecomte et Mike Maignan vont avoir chacun leur période pour jouer, comme ce fut le cas à d'autres reprises quand on devait donner des premières sélections à des gardiens. Il y a peut-être également le fait que Lloris joue la finale de Ligue des Champions. Ça a pu jouer, ouais. C'est ça, ça a pu jouer. Mais après, c'était surtout pour le premier match. Ouais, bah, qui n'est pas le plus important du coup. Ouais, c'est ça. Donc c'est... deux gardiens pour le premier match, c'était pas non plus. C'était pas ça non faire plus un match amical. Il fait des tests peut-être. Oui, il fait des tests. Hein, mettre Benjamin Lecomte en première mi-temps et Mike Maignan en deuxième mi-temps, ça serait super. Ça serait une superbe idée. J'ai envie de dire, au vu de cette liste globalement, enfin il y a des tests. Alors bon, on avait des matchs amicaux, on décide de les faire sur les matchs officiels. Bon, après tout, pourquoi pas, sachant que c'est des qualifications. Mais on a enfin un Deschamps qui décide de sortir un peu de son carcan de. Alors la structure, l'ossature, elle est là, bien sûr, avec Hugo Lloris, avec Raphaël Varane, avec Paul Pogba, avec Olivier Giroud. Mais voilà, on a des joueurs autour qu'on peut tester, des joueurs qu'on n'a pas vus souvent, des joueurs qu'on a même pour certains jamais vus. On pense à Clément Lenglet notamment, qui est enfin sélectionné. Bah, Clément Lenglet qui est enfin sélectionné. Deschamps en parlait. Clément, c'est la sérénité, c'est un joueur qui a une très bonne maîtrise technique, il n'est pas énormément dans le duel, il est plus dans l'anticipation, il est propre, c'est un joueur de Barcelone. S'il est là-bas et qu'il joue, c'est forcément qu'il a beaucoup de qualité, donc ça sera l'occasion pour lui de découvrir le groupe France sur ce rassemblement. Alors Clément Lenglet qui profite du forfait de Presnel Kimpembe qui est blessé, mais Lenglet qui passe devant du coup Aymeric Laporte. Les deux font une grosse saison. C'est une surprise pour personne. Je pense que Lenglet à Barcelone et Laporte à ouais. City, les deux font une grosse saison. C'est une surprise pour personne. Bah, je pense que Loïc Perrin est devant Aymeric Laporte dans la liste des sélectionnables pour Didier Deschamps. Je pense que Eric Choupo-Moting est devant Aymeric Laporte pour Didier Deschamps. Koulibaly, grand défenseur Choupo-Moting, hein. Grand défenseur. Excellent. Non mais pour en revenir un petit peu sérieusement, oui. Pour Clément Lenglet, c'est logique. ça fait un petit bout de temps déjà. Je pense qu'il aurait même mérité à la fin de la saison dernière, parce qu'il a fait une saison complètement monumentale avec Séville. Il est dans la lignée de ses performances avec Barcelone, même s'il joue un petit peu moins. C'est totalement logique et ça fait très plaisir pour lui de le voir. Après, j'ai un peu plus de mal au fait qu'il doive sa sélection au forfait de Presnel Kimpembe, qui lui fait une saison pourrie, on peut le dire. Mais même si du coup, il y a une explication médicale qu'on n'avait pas, ça me gêne que ce soit parce que Kimpembe est blessé que Clément Lenglet est sélectionné. Parce que pour moi, il méritait de toute manière plus que Kimpembe sur cette saison. Et justement, Kimpembe, est-ce qu'il pourrait perdre sa place là ? Ah bah, si Lenglet fait des grosses performances. Bah, s'il ne se remet pas en question, déjà oui. Il y a toujours un moment où ça peut arriver. Quand ça fait beaucoup trop longtemps que tu n'es pas dedans et qu'à côté de ça, tu as des coéquipiers qui sont également des adversaires pour ce poste, hein, qui tapent à la porte aussi fort que Clément Lenglet ou Aymeric Laporte, il y a toujours un moment où ça va craquer. C'est ce qui s'est passé pour Steve Mandanda d'ailleurs. Oui. Autre surprise, Lacazette et Nabil Fekir absents. On va parler de Lacazette. C'est Wissam Ben Yedder et Kingsley Coman. Il n'y a pas un autre défenseur dont on pourrait parler ? Ah oui, c'est vrai. Je voulais en parler juste après. Merci. Mais t'as raison, on va faire les défenseurs dans l'ordre, comme je l'ai dit. Léo Dubois, c'est de lui dont tu veux parler. Léo Exactement. Dubois qui est pris à la place de Djibril Sidibé, poste d'arrière droit. C'est un choix par défaut, Léo Dubois, parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Il y a Lala qui aurait pu être pris aussi. Je pense, suis assez surpris maintenant que j'y pense. Bah, de pas voir Kenny Lala. J'allais dire que c'est justement dans l'opinion populaire, mais apparemment pas celui d'Antoine. Kenny Lala. En vrai, Léo Dubois, avec tout le respect que j'ai pour ce joueur, Kenny Lala a fait une saison assez énorme. Léo Dubois a mis pas mal de temps à s'adapter à Lyon. Il a à peine enchaîné 3 matchs que tout le monde parlait déjà de Léo Dubois en équipe de France. Ouais. Quand Kenny Lala fait 6 mois très très bons, de très très haut niveau, on se dit bon allez ça peut le faire. Dubois, il lui a fallu 3 matchs pour que l'opinion populaire, je ne parle pas du joueur et des qualités intrinsèques du joueur, je parle de l'opinion populaire. Qu'est-ce qui va pas ? Est-ce que c'est l'âge de Kenny Lala qui a déjà 27, 28 ans ? Le club également, je pense. Est-ce que c'est le club, Strasbourg et Lyon, le standing ? Le club, et je pense même que le club importe beaucoup même pour Didier Deschamps. Je pense que faire un mois de très haut niveau dans un top 3 français, c'est mieux que de faire pour Deschamps 4 ou 5 bons mois dans un club de milieu de tableau. Après, pour moi, il y a peut-être une autre problématique, mais là, pour le coup, c'est purement hypothétique. C'est le fait que Léo Dubois, il ne va pas faire de vagues. Il ne mettra personne en danger en étant sélectionné en équipe de France. Ouais, on aurait fait Kenny Lala. Alors que Kenny Lala, c'est un joueur qui est capable de prendre une place de titulaire très vite, okay. Au détriment de Benjamin Pavard, par exemple. Qui semble avoir le. Qui semble d'accord, avoir non, je croyais que c'était des vagues, une grande gueule, quoi. Léo Dubois, non. Enfin, c'est le genre de joueur qui acceptera sans problème d'être sur le banc et qui restera remplaçant sans aucun souci. Kenny Lala, s'il vient en équipe de France, c'est pour être titulaire. D'ailleurs, on se demande tous pourquoi il ne l'est pas. Mais ça, c'est une autre question. Et je pense que peut-être que dans l'esprit de Deschamps, ça a pu dire voilà, je vais prendre un mec que je peux éventuellement ressortir de la liste sans problème, pas prendre de risques. On va garder l'option Pavard comme on a l'habitude, on va garder l'option Pavard Sidibé. Juste voilà, je prends Dubois parce que Sidibé a fait une saison pourrie et que si je le prends, tout le monde va me tomber dessus. Ça peut être un choix politique, Léo Dubois, par rapport à Kenny Lala. Lacazette, absent de cette liste, surprise, au vu de sa saison qui est presque parfaite. Hein. Très grosse surprise. Grosse surprise. Oui. Au vu de la sélection de Florian Thauvin, en tout cas, oui. Après, là, pour le coup, je ne suis pas spécialement d'accord parce que Lacazette s'est vraiment affirmé comme étant un axial. Kylian Mbappé. Autant dans ses débuts à Lyon. Autant dans ses débuts à Lyon, il jouait Kylian Mbappé. Mbappé s'est affirmé dans l'axe à Monaco, on l'a mis sur un côté. Il vient de s'affirmer dans l'axe à Paris, on le met sur un côté. Faut arrêter. Deschamps, il a envie de mettre Lacazette sur le côté, il met Lacazette sur le côté. Hein. Je crois qu'il a pas le choix, Alexandre. Là. Oui, mais il a pas les mêmes qualités qu'Mbappé pour jouer sur le côté. Non, c'est sûr, mais quand je vois par exemple Thauvin qui vient de revenir, pour moi Thauvin ce n'est pas une question de joueur d'axe ou de côté. Est-ce que c'est pas une question de Ben Yedder ? Il revient tout pile bien au bon moment. Est-ce que c'est pas Ben Yedder qui prend la place de la Lacazette ? Ah si, dans c'est le même profil. Bah, dans ce cas-là, c'est pas une grosse surprise. Si c'est Ben Yedder qui prend la place de Lacazette, les deux n'étaient pas appelés, fallait faire un choix dans ce cas-là. Ah bah, dans ce cas, c'est moi, une grosse surprise dans le sens où il y a Florian Thauvin pour moi. Je suis un gros fan de Ben Yedder, mais pour moi Lacazette mérite plus que lui. Si jamais Ben Yedder a été sélectionné à la place de Lacazette. Je pense que sur la saison dernière, je t'aurais choisi Ben Yedder sans en fermant les yeux. Là, cette saison, il était moins efficace. Il est toujours là, hein. Il marque toujours ses dizaines de buts. Mais il a été plus efficace que Lacazette, Ben Yedder, cette saison. Au nombre de buts marqués, ouais, mais il est moins actif dans le jeu de Séville que ne l'a été Lacazette avec Arsenal. Mais je crois que même en termes de passes décisives, Ben Yedder. Je parle de participation au jeu, je parle pas de stats. Mais quand même, les stats, ça compte pour un attaquant. Mais moi, je suis complètement d'accord. Mais juste voilà, enfin, il a à l'origine jamais... d'une quarantaine de buts en une cinquantaine de matchs, Ben Yedder, voilà, c'est énorme. Comme toujours, Ben Yedder, c'est énorme, c'est largement mérité. Là si, si le choix c'est Lacazette ou Ben Yedder, c'est du 50-50. Certains te diront Lacazette, d'autres diront Ben Yedder. C'est plus une surprise quand tu vois des Thomas Lemar ou Florian Thauvin qui font aussi. des saisons moyenne. En tout cas Thomas Lemar moyenne et Florian Thauvin une demi-saison très très moyenne. C'est plus là qu'on peut penser au fait qu'Alexandre Lacazette avait sa place, même sur le côté. Il avait sa place, Lacazette, dans ce groupe. Tout simplement, il avait sa place. Mais sauf que, on ne comprend pas toujours les choix de Didier Deschamps. Même si là, pour moi, il y a quand même un gros pas qui a été fait, on ne comprend toujours pas. Donc, très bien. Non, mais on montra. Très bien, très bien. Là-dessus, je peux être d'accord. Non, mais t'inquiète. Ah, d'accord, c'est bon, cool. On montra. Hein, mais attends, mais c'est quoi les dates? Bouba et Caris. Équipe de France. Et Antoine, tu m'entends? Non. Oh. Merde, je crois. Et donc la France qui jouera face à la Bolivie le 2 juin, le 8 juin face à la Turquie et le 11 face à Andorre. Turquie et Andorre, c'est pour le compte des éliminatoires de l'Euro. On fait une petite pause, c'est très rapide, hein, vous inquiétez pas, et on va parler d'Antoine Griezmann. Titulaire avec Johan Bredov sur Studek Web. On a parlé de la liste de Didier Deschamps. On reste côté bleu avec Antoine Griezmann qui a annoncé qu'il partait de l'Atlético Madrid. Il part avec Godin aussi qui part, ouais, qui s'en va, avec Hernandez qui s'en va. Oui. Thomas Lemar va se retrouver un petit peu tout seul. Griezmann qui part, c'est, je pense pas que ça soit une surprise. On va pas poser cette question. Griezmann avait envie de partir, a envie de gagner des titres, a envie de voir autre chose. Il est pressenti pour aller à Barcelone, mais le vestiaire n'en veut pas. Il va aller où? Et comment, quoi? Donc... Déjà, ça s'appelle un mauvais choix de carrière. Le fait qu'il soit resté à l'Atlético et en plus annoncé sous cette forme-là via un documentaire pour finalement, un an après, dire non, mais en fait, je veux gagner des titres. C'est une catastrophe là-dessus d'un point de vue communication. Et il voulait refaire un documentaire pour annoncer son départ. C'est l'Atlético qui a dit non. Quoi? Il voulait refaire un documentaire pour annoncer son départ. C'est vrai, ça a refusé. C'est vrai. Il a commencé à le produire et l'Atlético a mis son veto. je sais pas quoi répondre. Je pensais qu'il avait choisi simplement la sobriété Non, c'est l'Atlético qui l'a dit. Il allait refaire une. Mais non. Si. Bah, si. Mais non. Excusez-moi. Ça m'a totalement coupé dans mon élan. Non, oubliez ce que j'ai dit. Antoine Griezmann qui part pour aller où, pour faire quoi, comment, à Barcelone, à Manchester, à Paris. Si Barcelone n'en veut pas, si le vestiaire de Barcelone n'en veut pas, je vois pas vraiment où il peut aller, parce que pour moi, il y a là où il colle parfaitement, en fait. On en a déjà parlé maintes fois dans cette émission, déjà l'an dernier, parce que l'an dernier voulait partir avec son fameux documentaire finalement. Mais Manchester United, ça peut être intéressant à la condition de voir ce qui se passe là-bas. Si Solskjaer reste, si les mêmes hommes restent en place, il ira jamais. Je pense que c'est pas le moment pour Antoine Griezmann d'aller dans un club comme Manchester United. Voilà, mais c'est pas le moment pour Manchester United d'accueillir un joueur comme Antoine Griezmann. C'est sûr, mais dans l'intérêt de Griezmann, faut mieux pas. Après, pour Barcelone, le vestiaire n'en veut pas, c'est ce qu'on a entendu, mais s'il le veut. Truc à ne pas oublier. Ah bah il ira à Barcelone. mais s'il le veut, et on sait pourquoi, mais s'il le veut. Mais s'il le veut, parce que fini les tâches défensives, avec Griezmann, les défenses s'évanouissent. Bah, voilà. De toute façon, les tâches défensives étaient déjà finies pour Lionel Messi. Bah oui, mais justement, c'était une carence, le fait que Messi ne défend pas, parce qu'il y avait d'autres joueurs offensifs qui ne défendaient pas. Et on sait l'amour qu'a Antoine Griezmann pour la défense qui lui a été inculqué par Diego Simeone. C'est un amour qui était inculqué et nourri par Simeone. Maintenant, par ailleurs. La vraie question, c'est à la place de qui? Parce que Griezmann sur un côté, ça ne sert pas à grand chose pour Barcelone. Mais est-ce qu'il jouerait vraiment sur un côté? Il n'y a pas de côté à Barcelone. Moi, je ne pense pas vraiment. Je pense que Griezmann jouerait en soutien de Messi. Et à partir du moment où Messi le veut, même si t'as tout le vestiaire qui ne le veut pas, je vois pas Griezmann aller ailleurs qu'à Barcelone. Ah oui. Parce que si Messi le veut, ce n'est pas pour rien. Donc si tu peux avoir un joueur comme Griezmann, et on sait que Griezmann au top de sa forme, ça peut être incroyable à Barcelone, et qu'en plus ça permet à Messi d'être encore plus efficace, car vraiment plus aucune tâche défensive, Barcelone ne va pas dire non. Et après, on sait comment, enfin dans le foot, ça va très très vite. Ouais. Tu es détesté au mois d'août, tu fais deux mois exceptionnels, en octobre tout le monde t'adule. C'est comme ça. Après, je sais pas où il, en train de réfléchir là où il pourrait aller s'il va pas à Barcelone. On parle à Liverpool, Paris, les gars. Paris, on sait qu'il ira pas. Liverpool, ça me paraît une bonne option. Liverpool, c'est une meilleure option que Manchester United. Complètement. Et sinon, l'autre option que je vois, et dont personne ne parle pour l'instant parce que son nom était à Monaco à Barcelone, c'est le Real Madrid. Non, on sait que le Real cherche un remplaçant à Benzema. Non, mais il ça pourrait pas. Coller dans le jeu. Il n'ira pas au Real Madrid. Surtout quand on sait qu'il y a Jovic qui est très très prisé par Madrid. Et faire le chemin Madrid, Atlético, Real. Ouais, là c'est compliqué. Déjà que le chemin Atlético-Barça est compliqué, alors celui-là. Non, mais on en parle également à Liverpool. En Angleterre, en tout cas, les deux équipes qui ressortent, c'est Manchester et Liverpool. Liverpool, pourquoi pas, hein. Liverpool, quand on voit l'impact qu'a un Firmino ou l'impact qu'a eu un Coutinho. C'est largement le genre d'équipe dans laquelle Griezmann pourrait s'éclater. Donc pourquoi pas. Maintenant, pour moi, Barcelone reste quand même à 99% la destination vers laquelle se dirige Antoine Griezmann. Parce que le truc qui est sûr, c'est qu'il ira pas à Paris. Ça. Oui, Paris a vite démenti. Tous les noms vont à Paris. Mais c'est assez compliqué. En tout cas, c'est un feuilleton à suivre. Griezmann, on attend beaucoup de ce mercato. Hein. Beaucoup de joueurs vont partir. C'est souvent le résultat d'un mercato qui était mou la saison précédente. Ça entraîne souvent un mercato. Même les deux saisons précédentes. Ça entraîne souvent un très très gros mercato derrière. C'est ce qu'on attend, le jeu des chaises musicales hein, qui va avoir lieu. Merci les amis d'avoir été avec nous, de m'avoir accompagné pour cette émission des titulaires. On se retrouve très vite pour parler de la Liga, de la Ligue 1, de la Bundesliga, de tout ce que vous voulez. Mais ça va être super. Allez les amis, à bientôt. Les titulaires avec Johan Bredov sur Studek Web.